Pac-Man et Chatrian. Entre deux vins. Pendant la messe de minuit de l'an 1847 à Phalsbourg, le petit greffier de la justice de paix, Konrad Spitz, et moi, nous vidions notre troisième bol de punch au café Schweitzer, près de la porte d'Allemagne. Tout le monde était à l'église. La veuve Schweitzer, avant de partir, avait éteint les quinquets. La chandelle placée entre Spitz et moi éclairait vaguement un angle du billard, notre bol et nos verres. Le reste se perdait dans l'ombre. La servante Gredel chantait à voix basse dans la cuisine et nous venions d'entendre une chaise tomber au milieu du silence. En ce moment, le petit greffier se prit à dire « Comment se fait-il, mon cher monsieur Van der Bach, qu'à cette heure indue, sans nous être dérangés de notre place au café Schweitzer, nous nous trouvions transportés chez Holbein, le tisserand, au coin de la halle au grain et des vieilles boucheries ?» Ces paroles m'étonnèrent. Je regardai autour de moi et je reconnus qu'en effet, nous étions assis dans une petite chambre tellement basse que les poutres enfumées du plafond nous touchaient presque la tête. Les petites vitres à mailles de plomb étaient ensevelies sous la neige. Un métier de tisserand en forme de buffet, des écheveaux de chanvre suspendus à des traverses, un lit à baldaquin drapé de serge grise, un antique fauteuil à fond de cuir poli comme un plat à barbe, trois chaises effondrées, des ficelles tendues en tous sens où pendaient des guenilles. Voilà ce que je vis dans ce recoin du monde. Enfin, entre le métier et le pied du lit, une perruque jaunâtre s'élevait et s'abaissait tour à tour, et je reconnus que c'était la tête du grand-père Holbein, tombé en enfance, et qui dormait toujours à la même place, plus jaune, plus ratatiné qu'une momie du temps de ses ostrices. Mais ce qui m'étonna le plus, c'est qu'en me retournant vers Konrad Spitz, pour lui témoigner ma surprise, je me trouvais face à face avec une vieille pie chauve, posée sur le bâton supérieur de la chaise du greffier, le bec droit, la tête enfoncée dans les épaules, les yeux recouverts d'une pellicule blanche qu'elle relevait de temps en temps, et ses petites pattes sèches et noires cramponnées au bois vermoulu. Elle était immobile et rêveuse. Je me dis aussitôt que Spitz, connu par son humeur caustique, s'était transformé en pie pour jouir de ma confusion. Rien de plus naturel, il avait profité du moment où je tournais la tête. Du reste, son habit noir, sa cravate blanche, son nez pointu, ses petites mains nerveuses, lui donnaient les plus grandes facilités à cet égard. « Oh, oh, camarade !» lui dis-je. « Si tu veux jouir de mon embarras, tu te trompes. Ce n'est pas moi qui m'étonne de ces choses-là. Il y a bel âge que j'ai entendu raconter de semblables histoires. » »« Ce n'est pas pour cela que j'ai pris cette forme, dit-il. C'est parce qu'elle m'est plus commode. Ces chaises mal rempaillées ne me conviennent pas. Je suis bien mieux sur ce petit bâton. Il me semble avoir été fait tout exprès pour moi. » Je compris que ces raisons pouvaient être bonnes. Cependant, sa nouvelle physionomie me parut bizarre, et je la considérais avec une curiosité singulière. « Konrad, repris-je en dissimulant mes véritables pensées, je m'étonne que Holbein, sa femme et sa grande fille Borgne, abandonnent ainsi leur maison au milieu de la nuit, car enfin, si nous n'étions pas d'honnêtes gens, nous pourrions fort bien enlever ces écheveaux de chanvre et cette pièce de toile. Il y a tant de coquins dans ce monde. « Oh » fit-il, « je suis ici pour garder la maison. » Ce fut pour moi un trait de lumière. J'ai souvent remarqué sur le seuil de la vieille cassine une pie chauve. J'avais observé cet animal avec une vague défiance, ainsi que la mère Holbein, aux mains sillonnées de grosses veines bleuâtres, aux cheveux plus blancs que le lin. « Eh, eh !» me disait la vieille en branlant la tête. « Vous regardez mon oiseau? Vous voudriez bien l'avoir, mais il est de la famille. » Je ne doutais pas alors que cette pie ne fût Konrad Spitz lui-même. Le petit greffier venait se reposer là de ses fatigues, se voyant bien accueilli par ces braves gens. Je lui communiquai ma supposition. « Hé, fit-il, vous êtes plus perspicace que je ne l'aurais cru, monsieur Van der Bach. En effet, c'est bien moi. Que voulez-vous? La vieille Ursule me soigne bien. Elle se priverait plutôt que de me laisser manquer. Chacun cherche ses avantages. » Nous causions ainsi, quand la voix du père Holbein se fit entendre au dehors, criant. « Orchel, tu as oublié de fermer notre porte. Que le diable emporte la vieille folle, nous sommes peut-être volés. » En même temps, il entra, et me voyant assis en face de la lampe. « Eh, fit-il, c'est Monsieur Van der Paar. » Puis la vieille, avec son livre de prière, puis la fille, secouant la neige attachée au bas de sa robe, entrèrent à leur tour en me saluant d'un « Dieu vous bénisse !» La pie s'envola sur l'épaule de la vieille, et Holbein, me regardant, dit à sa femme « Hé, hé, hé, ce bon Monsieur Van der Paar, comment diable est-il ici? Il m'a l'air d'avoir fait le réveillon. » « Oui, dit la femme, conduis-le chez lui. » « Allons, monsieur, dit le tisserand, il est tard, prenez mon bras. » « Oh, je retournerai bien tout seul, lui répondis-je. » « c'est égal, faites-moi le plaisir de vous appuyer un peu. » Nous venions de sortir, il y avait 2 pieds de neige. « Et Spitz, lui dis-je en marchant. » « Qui, Spitz ?»« Le greffier, la pie. » « Ah ! » fit-il. « Oui, oui, je vous comprends. La pie va dormir. Vous avez causé avec elle. C'est un animal bien intelligent. » Et le brave homme me conduisit jusqu'à la porte de ma maison. Ma servante m'attendait, elle le remercia. Cette nuit-là, je dormis comme un bienheureux. Le lendemain, quand je rencontrai Spitz, il ne se souvenait plus de rien. Il prétendit que j'étais sorti seul du café et que j'étais entré en trébuchant chez les Holbein. Du reste, il ne voulut jamais convenir de sa transformation et s'indigna même de mes propos à ce sujet.